I'm not afraid to die. Thank you. Sa Majesté le Roi. Par décret, en application de la loi martiale, les prérogatives suivantes sont temporairement amendées. Droit de se rassembler, suspendu. Suspendu. Suspendu. Droit d'habeas corpus, suspendu. Droit d'assurer sa défense, suspendu. Droit verdict par un jury populaire, suspendu. Par décret, une personne jugée coupable de piraterie, aidant une personne coupable de piraterie, ou s'associant à une personne coupable de piraterie, sera condamnée à